Salut à tous et tous, la tribu. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 48e Vampire Freaks d'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos gentils messages et dédicaces que vous me laissez chaque semaine sur la page Facebook de l'émission. Dans 15 jours, je prépare une spéciale 50e Vampire Freaks, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. On commencera cette émission avec Body Harvest d'Exodus, c'est sur Blood In, Blood Out, leur 10e album, sorti le 14 octobre 2014. On peut entendre aussi Black 13, Salt the Wound et My Last Nerve, entre autres. On s'écoutera ensuite Lust for Blood de Powerwolf, c'est sur Preachers of the Night, leur 5e album, sorti le 19 juillet 2013. On retrouve aussi Amen and Attack, Coleus Sanctus et Nightcrawler notamment. Je diffuserai ensuite The Winkleman de Judge Dredd. C'est sur Last of the Skinhead sorti en 1976. On peut entendre aussi Dread Rock, Fatty Dread et Banana Sword Song entre autres. Je passerai ensuite Electroshock d'Enhancer. C'est aussi le titre de cet album sorti en 2006. On retrouve Dirty Dancing, Street Playground et Toxic. Et on finira ce bloc en live avec Genesis et Invisible Touch. C'est aussi le titre de l'album sorti le 9 juin 86. On peut entendre aussi Land of Confusion, Tonight, Tonight, Tonight et Invisible Touch. Body harvest, let that arrive. tell you a story about a geezer called the Winkle Man. Right there, son. The Winkle Man comes down our street and he serves all the ladies. What do you know, 9 months on, they all got prams and babies. Funny thing about it, he was a right little shrimp. Must have not had some cockle. He used to sell them celery, and according to the dirty talk, he asked them what they liked the best, the knob end or the stalk. No wonder why a woman used to come in with a smile on her face. I'll smash his face in. He'd go down to his local pub for a pint and a packet of crisps. The barmaid's got a 48 and he always grabs her tits. Like coconuts. Sparrows like a little bit of bacon, right? When I go down the park, I always take a bit of bread for the ducks. Negatory, rubber duck. Give you 10-4. A girl he had was a noisy bird. She used to scream and moan. She shouted, help! He said, you silly cow, I can manage on me own. Well, you want to bring the neighbours in then? Well, what do you want, a gangbang? I was a virgin, now I've been done twice in a day. He said twice, but it's only once. She said, right, you got to dash away. Well, okay then, be gentle with me. It's only my second time. Today. When he was young and in his prime, he'd have a woman any old time. Now he's old and a getting grey. He seems to like the other way. Well, I suppose there's no harm in him being a shirtlifter. Just means that there's more birds for all the fellas in the pub. Fins and Winkles. Oh, Christ, here he comes again. Gay boys in bondage. Do you want a drink? Yes, please, sailor. Who are you calling sailor? I'll smack you in the gob. Up yours, Butch. I'll give you up yours, you bum burglar. Take that. Go on. But don't let him in here again. Sous-titrage Société Radio-Canada. collaboration. Enhance the team nowhere. Mars, billion dollar ballers, baby. On est sous électrochocs, prêts pour l'onde de choc. Dans les stars qui bloquent, gonflé à bloc. Sous électrochocs, prêts pour l'onde de choc. Dans les stars qui bloquent, gonflé à bloc. On est sous électrochocs, prêts pour l'onde de choc. Dans les stars qui bloquent, gonflé à bloc. Sous électrochocs, prêts pour l'onde de choc. Dans les stars qui bloquent, gonflé à bloc. Vous êtes toujours dans cette 48e Vampire Freaks, cette émission radio où Spike débarque dans votre salon. On vient de se faire Body Harvest par Exodus, Lust for Blood de Plowwolf, The Winkelmann de Just Dread, Electro Shock de Enhancer et Invisible Touch de Genesis. On poursuivra cette émission en live avec Coxparer et le morceau Working. C'est sur Live and Loud sorti en 2001. En pointant aussi Rod Squad, Toy Camel et White Rot. Je diffuserai ensuite Race with the Devil de Judas Priest. C'est sur Scene After Scene, leur troisième album sorti le 23 avril 1977. On retrouve aussi Diamonds and Rust, Here Comes the Tears et Dissident Aggressor notamment. On s'écoutera ensuite Jeunesse Rebelle d'Or Control. C'est sur l'excellent Liberté Surveillée sorti en 2003. On peut entendre aussi Avec Toi, Fier et Liberté Surveillée. Tiens, un petit désillusion, ça faisait longtemps. Ultime Rémission, c'est sur Metal Influence sorti en 2015. On retrouve aussi Killer, Metal Influence et la Bête du Gévaudan entre autres. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Night Bow to Kero de Madness. C'est sur One Step Beyond sorti en 1979. On peut entendre aussi My Girl, One Step Beyond et Madness qui à la base est un titre des Selecteurs. l'espoir de l'envie. Un regard, un sourire, sans rien se dire. Bercé par l'insouciance, on n'a pas vu venir. On se l'est promis, c'est la réunion. floats off down the river Nile. Floats off down the river Nile. Vous êtes toujours dans cette 48e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Working en live de Coxpower, Race with the Devil de Judas Priest, Jeunesse Rebelle de Hors Control, Ultime Rémission de Désillusion et on a fini en live avec Nightbot to Caro de Madness. On poursuivra cette émission en live avec les Fatal Picard et Goldorak est mort, c'est sur Droit de Veto sorti en 2003. On retrouve aussi Schizophrène, Tu vas dans le mur avec un H et Je suis un vaurien, entre autres, hein. Top album. Tiens, un vieux rap pour une fois n'est pas coutume. Ayam et Petit Frère, c'est sur L'école du micro d'argent sorti en 1997. On peut entendre aussi Né sous la même étoile, L'école du micro d'argent et Demain c'est loin notamment. J'adore cet album. Tiens, un vieux son, Leila de ZZ Top, c'est sur El Loco, leur 7e album sorti en 1981. On retrouve Ten Foot Paul, Don't Tease Me et Even L or Houston. Je passerai ensuite Toujours à fond de Broussailles, c'est sur In the Street sorti en 2015. On peut entendre aussi Violence in the Street, Positive et Le Temps de Vivre, un superbe album. Et on finira ce bloc en live avec Aerosmith et SOS, c'est sur Get Your Wings, leur deuxième album sorti en mars 1974. On retrouve aussi Lords of the Tie, Train Keep the Rolling et Woman of the World, entre autres. Goldorak, c'est ça que j'ai. La calandre est super enfoncée et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait un kart à pédale. Comment je vais dire ça à papa? Aux autres, ils voudront plus de moi. Le rétro-gauche est tout pété et les pleins nitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak est mort, impossible de l'en démarrer. Et voilà, Goldorak est mort, c'est sûr mon père il va tuer. Il faut que j'arrive à joindre le corps, je crois que le déco est pété. Allez, les couches, je suis prince de fort, je vais quand même pas me mettre à chialer. Je me vois bien sortir de la boîte. Après sur la petite route je déboîte. J'ai vu débouler le lapin. J'ai lancé les fulgures au poids. Pourtant c'était bien, oh c'est non. Mais Lucia était trop canon. Elle s'est cassée avec Newman. Et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak est mort, impossible de l'en démarrer. Et voilà Goldorak est mort, c'est sûr mon père il va me tuer. Comment je vais manger le rebord et le rail de sécurité? Sans dire que je préfère être mort au contre-pique-nique la céramée. Madame, pardon de vous déranger, est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais, chez Laurent, il a mis une casquette. Pour le Japon, je fais le 01 le vent. Allô papa, j'ai un super méga pépin. Je suis entre Coulommiers et Amiens. Ça va? Ça va, sauf que je sais pas de chemin, alors merci hein.

Vous êtes toujours dans la 48e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. On continuera cette émission avec This Dying Soul en live de Dream Theater. Je vais être obligé de la couper car ce morceau fait 11 minutes, mais bon, il est en deux parties, 6 minutes 30 et l'autre de 5 minutes et des brouettes. Je vais essayer de pas trop l'abîmer. C'est sur Train of Thought, sorti le 11 novembre 2003. On peut entendre aussi Endless Sacrifice, Vacant, In the Name of God notamment. La durée moyenne d'un morceau sur cet album est 10 minutes, donc pas évident à diffuser en radio. On poursuivra avec Shockwave de Black Sabbath. C'est sur Never Say Die, leur 8e album, sorti le 28 septembre 1978. On peut entendre aussi A Hard Road, Junior Rise et Breakout. On s'écoutera ensuite Tirer des caisses de Soldat Louis. C'est sur le premier album, Première bordée sortie en 1988, on retrouve les classiques de Soldat Louis, du Rhum des Femmes, Les Petites du Mou du Monde, Martiniquaise et encore un Rhum. Enfin, pas pour moi, ça ira merci. On s'écoutera White Rot des Clash, c'est sur l'album The Clash sorti en 1977. On retrouve aussi Remote Control, London Burning et Career Opportunism notamment. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec du son culte. Black Blade de Blue Oyster Cult, c'est sur Cultosaurus Erectus, leur 7e album sorti en 1980. On peut entendre aussi Monsters, Deadline et Hungry Boys entre autres. sur un radio de Lorient à Glasgow, je suis partant, oh, yeah, oh, yeah. Descendre à terre, ok, oh, yeah, oh, yeah. Trois nuits pour changer de peau, puisque tous les ports se ressemblent, c'est tous les ports se ressemblent, c'est dans les mers qu'on flambe, au bras de fer, oh et oh. De prendre des caisses, ok, oh et oh et oh. Dans le noir d'un claque à matelot, j'imagine au cœur de l'ivresse. Même à fond de cale sur un rafio, de Lorient à Glasgow, je suis partant, oh et oh. Oh, yeah. Excuse me to kill my friend. Vous êtes toujours dans cette 48e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Dream Theater en live de Dying Soul, This Dying Soul, Shockwave de Black Sabbath, Tiré des caisses de Soldat Louis, White Rod de Clash et on a fini en live avec Black Blade des Blue Oyster Cult. On poursuivra cette émission en live avec les Salles Majestés et Je suis fier. C'est sur Bienvenue sorti en 2000. On retrouve aussi Bienvenue, Attention et Tuer le temps entre autres. Un super album. Tiens, on va se faire un ska. Bad Manners et le classique This is Ska. C'est sur Forging Again, sorti leur sixième album sorti en 1989. On peut entendre aussi Sally Brown, Return of the Ugly et Memory Train notamment. Allez hop, un autre grand classique. Waiting for the Sun des Doors. C'est aussi le titre de leur troisième album sorti en juillet 1968. On peut entendre aussi Hello, I Love You, Celebration of the Lizard et The Indomitable Soldier, entre autres, notamment. Tiens, un petit sélecteur, Celebrate the Bullet. C'est aussi le titre de cet album sorti en février 1981. On trouve aussi Deepwater, Tell Me What's Wrong et Train to Scaville, entre autres. Et on finira ce bloc avec un vieux reggae de 1975, Babylon Bridge de Dillinger. C'est sur Ready, Natty, Ready, sorti donc en 1975. On peut entendre aussi Natty 10 to 1, Babylon Fever et Fountain on the Mountain, notamment. Vous êtes fiers de ne savoir rien faire. Merci pour tous les feignants. The offensive sound of now. This is Ska. This is Ska. This is Ska. This is Ska. This is Ska. Ska. This is the sound of this is, yeah. This is, yeah. this is ska. Ska. This is ska. This is ska. This is ska. Ska. This is ska. Ska. East to west. Don't go die, don't go die, yeah. black with jeans that up on a wall. One name Peter, the other name Paul. They lick the pipe Peter, I lick the pipe Paul. But Paul don't like the lick pipe at all, cause he made two ball. Said him bound to fall from the wall. Yeah. Come here, say Babylon Bridge is falling down, my fair lady. Come here, say Babylon Bridge is falling down, my fair lady. Say we send for the broom, big up broom out the house. Send for the light, big up light up the house. So Babylon Bridge is falling down, my fair lady. How am I do? How am I say? How am I do? How am I say? I will me do some, I will me do some. Don't cry, don't cry. So children don't cry. Don't cry, yeah. Don't cry. Don't cry. Ah, on vient de se faire un bon bloc là. Je suis fier en live des Salles Majestés, This Is Ska, des Bad Manners, Waiting for the Sun, des Doors, Celebrate the Bullet, des Selecteurs. Et on est fini à partir en cacahuète avec Babylon Bridge de Dillinger. Cette 48e Vampire Prix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi sur cette fréquence. Pour finir, je diffuserai Blood of King Dew en live de Therion. C'est sur l'excellent Sirius B, leur 12e album sorti le 24 mai 2004. On retrouve aussi Son of the Sun, Kali Yuga partie 1 et 2 et le flip-flop Melek Taos. N'oubliez pas, dans 15 jours, spécial 50e, je ne prends pas de vacances cette année, donc je serai là tout l'été. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous me voyez en ligne, n'hésitez pas, venez me parler, je serai ravi d'échanger quelques mots avec vous, mes chers auditeurs. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à tous et toutes, la tribu! Yeah!